J'ai perdu l'amour de ma vie. J'ai perdu mes meilleurs amis. J'ai perdu même ma dignité. J'ai perdu mon envie d'exister. Car je suis borderline. Oh, oh, oh. Borderline. Oh, oh, oh. Border, border, border, borderline. Ouh, ouh. J'ai perdu toute ma joie de vivre. J'ai perdu ma quête de sens. J'ai perdu mon appartement. J'ai même perdu Marionnasse. Car je suis borderline. Oh, oh, oh. Borderline. Oh, oh, oh. Border, border, border, borderline. Je suis un cinglé qui m'auto-détruit, mais qui continue à chanter sa maladie. Je suis un cinglé qui m'auto-détruit, mais qui continue à chanter sa maladie. Car je suis borderline. Oh, oh, oh. Borderline. Oh, oh, oh.